à l'heure où je chante. C'est ça, le monde pas en couille. Tu connais, tu connais. Et pas tricolade, fini l'enfance, niquez vos races. Moi je crois même plus en ce que je vois, va le dire à ton Saint-Nicolas. Je suis la rage, la haine incarnée, la tristesse me dévore, j'ai le sang d'écorce. Suite l'Algérie, scène sans écorce. Et là où l'homme s'est mis à brûler, avant d'avoir découvert le feu, j'ai coagulé. Qu'à travers mon petit revient et sur lui, je suis prêt à tuer. J'ai trop mal grandi, ou plutôt j'ai grandi trop vite. Je me rappelle même plus des bons moments, merde, mon dieu, on m'a menti, faut le dire. Quand j'ai demandé ce qu'un jour on sera tous heureux, on aurait dû me répondre, Tarek, tu sais la vie, mais tout le monde à terre, tel un coup de feu. J'ai tapé mes profs, caillassé les keufs, je suis devenu la rue. Celle qui s'endort jamais, qui se débrouille, qui te tue, je t'assure. Mon dieu, pourquoi je suis ce putain de démon triste? Je suis pas un ange déçu, moi, hein, mon dieu, vous m'avez appelé à des maudits. Que je reste plus, faut le faire, merde. Regardez mon stylo Wilson pleure, la vie c'est une pute, alors que là il se fait remettre. Je suis genre de mec dur qu'on peut pas aimer. Je peux sourire et dans la seconde être vénère, j'ai déjà été aussi épais que la porture d'un CD. Tous les jours j'ai envie d'en planter un en sautillant. Ça me fera aucun effet, j'aime ma rage, elle est dangereuse comme le silence. Cet ami qui ne trahit jamais, parti de rien, je reste fier de rien. Parce que c'est tout ce que j'ai, va niquer ta mère. Je rappe pour les charclos du métro, les mendiants, les SDF, les braqueurs de diligence, les lardos, les prostituées sur le divan. Les mecs de la rue, ceux qui dorment dans les caves, ceux qui connaissent les cafards, les rats qui se battent mais ne se relèvent pas. Je rappe pour mon daron, Sarah Nabi, les frères qui me servent d'électrochoc. Si la rue m'a greffé son cœur, ma mif a hérité du mien. Dédicace à ceux qui sont morts, ceux qui sont morts vivants. Dédicace à l'état qui me pèse au score vivement. Le jugement dernier, l'appel de nos âmes. L'enfer m'attend, mais dis à Dieu que je suis déjà mort devant la flèche de son arc. A tes mots, j'ai dû tomber dans les pommes pour enfin voir les étoiles. Le son des halls, bouge les oreilles de ton gosse, ou raconte-lui une histoire. Thank you.